façon de rapper, hein. J'dors sur les nerfs, c'est tordu, stop, tu me gaves. C'est ta façon de parler, frère. J'parlais de faire de la zik avec mes vrais gars. J'dérape que des salopes, mais j'crois que c'est vénal. Ça fait des piches péra, j'mérite du respect. Rester où? Ici c'est triste et pérave. Que des bâtards malhonnêtes, mais des patates honnêtes. J'pars pas, j'parle pas, moi j'bataille là au mec. J'pars au mic avec ma taille de Jacta. Chaque fois que j'n'achève le studio, gros c'est Bagdad. J'parle mal, d'ici j'vois des tonnes d'acteurs. J'détrône, j'décolle, j'appuie sur le détonateur. La zik m'a mis la cermi, mais bordel, j'la fais qui? J'ai jamais lâché le bise, la tise attire la zep, fils. Ma charne à dire qu'on est percé par la zik. C'est un bout de ma chou, ouais, c'est ma part de paradis. Des parasites et du whisky cannabis. Frère, par en disant, se défonce, ça nous canalise. Ma charne à dire qu'on est percé par la zik. C'est un bout de ma chou, ouais, c'est ma part de paradis. Des parasites et du whisky cannabis. Frère, par en disant, se défonce, ça nous canalise. J't'avertis, hein, j'lève mon doigt pour toutes ces pulcras. J'ai plus le time, gros. Avant de partir, moi j'tue le track, j'cule pas. Pas, j'pue le rap, la rue m'a dit, poto c'est dur, c'est rude, grave. Pue le crade, homme, style, on se démerde qu'on masse, nous. Gauche, droite, j'pose dur, à la braille, masse, loom, j'postule. Dans aucune de vos teams, moi, où sont vos valeurs, ouais. Poto, dis-moi, j'deal, j'kill, j'dis style, le style, kiffe et kiffe mes rêves. Bref, le style, l'île, j'tire, j'vise. Toutes ces pétasses qui profitent, j'pétard des gros fits, c'est le détail des grossistes. Désolé, j'fous la merde, j'vous rappelle qu'on met des bâtons dans les roues alors que j'cours à peine. Désolé si je fous la merde, je vous rappelle qu'on met des bâtons dans les roues alors que je cours à peine. Ma charne à dire qu'on est percé par la zik. C'est un bout de ma chou, ouais, c'est ma part de paradis. Des parasites et du whisky cannabis. Frère, par en disant, se défonce, ça nous canalise. Ma charne à dire qu'on est percé par la zik. C'est un bout de ma chou, ouais, c'est ma part de paradis. Des parasites et du whisky cannabis. Frère, par en disant, se défonce, ça nous canalise.